écrit la Bible. Il s'appelle Aménophis II. Voilà. Bonsoir, à la semaine prochaine. C'est un autre sujet maintenant. Pourquoi Aménophis II a-t-il écrit la Bible? C'est une bonne question. Là, on a écrit une partie. Pas toute. Il est mort bien, bien avant. Il s'est réincarné après, mais il était de notre éthique religieuse. Il l'a lu après l'avoir écrit. Qui était Aménophis II? Un homme qui a été pharaon avant Aménophis III. En quelle année? Longtemps avant Jésus-Christ ou après? Oui, longtemps avant Jésus-Christ. Donc, il n'a pas écrit la Bible, il a écrit l'Ancien Testament? C'est ça. Il n'y a qu'une partie. La Bible se compose de plusieurs parties. Plusieurs livres. Plusieurs livres. C'est un recueil, un ensemble de livres qui sont réunis sous un seul livre qui s'appelle la Bible. Pourquoi la Bible? Qu'est-ce que veut dire le mot la Bible? Étymologiquement, on peut faire référence à Biblos, livre, livre des livres aussi, parce que c'est un livre contenant plusieurs livres. Donc, l'intérêt s'arrête là. Il y a plusieurs Bibles. Il n'y a pas seulement la Bible catholique, il y en a d'autres. Comment peut-on comparer la Bible catholique avec les autres Bibles des autres religions? Ça dépend. Les autres, ce ne sont pas des Bibles comme telles, le terme n'est peut-être pas exact, mais on peut dire Bible, si on veut parler d'un livre sacré et religieux, on pourrait dire que la Bible, comme la Bhagavad Gita, peut être une Bible, mais ce n'est pas la Bible. Parce que les Blancs et les catholiques avaient cet avantage de s'approprier rapidement l'absolu des choses. Alors, si on a la Bible, on a tous les livres intéressants, ça c'est du point de vue catholique, universel. Alors, si on prend, par exemple, le livre juif ou la Bible juive, eh bien, il y a des livres qui sont dans notre Bible catholique qui ne sont pas dans celle-là. Le Nouveau Testament, c'est bien entendu que dans les livres juifs, on ne le retrouve pas. Il y a les protestants aussi qui ont éliminé certains livres et qui, bon, alors, dépendant des groupes religieux, à partir, évidemment, d'un caractère hébraïque ou du moins juif, biblique, on aura des changements d'un livre à l'autre par le fait qu'on a ôté ou conservé des livres dans le livre des livres. La Bible catholique, comme tu le dis là, serait la Bible complète. C'est la Bible complète parmi les Bibles complètes. Dans les autres, il y a des choses en moins, mais est-ce qu'il y a des choses en plus? Est-ce qu'il y a des choses dans la Bible des Juifs qui ne sont pas dans la Bible catholique? Non, on va retrouver des choses en plus dans des Bibles qui vont être supportées par certaines sectes. Lesquelles? Et je ne peux pas dire que la religion juive est une secte. Hein? Bon. Une secte, qu'est-ce que c'est qu'une secte? C'est une religion qui n'a pas assez de membres. Bon. Quand la religion arrive à avoir assez de membres, c'est une religion. Ou encore, une secte, c'est la religion des autres. Une religion, ben, c'est notre secte à nous. Bon, ça reste encore très, très... comme l'humain parle toujours, il y en a qui mangent du porc et il y en a d'autres qui mangent du cochon. Bon. C'est ces deux races. Alors, il y a des choses qui sont rajoutées. Ça dépend encore une fois, donc, des phénomènes religieux. On a les témoins de Jéhovah qui vont changer des mots. On a les mormons qui vont changer des mots aussi. On peut parler d'Elohim, on peut parler de Yahvé, on peut parler de Jéhovah, on peut parler... Mais il y a d'autres bibles aussi qui sont un peu moins connus, qui font partie de sectes et qui sont plus de caractère extraterrestre. Alors, on va encore changer les mots. Et dans certaines parties, on va rajouter des histoires, soit des évangiles apocryphes, parce qu'il y a 4 évangiles dans la Bible, mais par contre, tous les apôtres en ont écrit. Il y avait 63 apôtres, donc dont 12 principaux. Et ces 12 principaux apôtres ont écrit, évidemment, les évangiles. Et à travers ces évangiles, eh bien, 93 années après la disparition du Nazaréen, on a pris le premier évangile pour l'inclure au niveau des livres bibliques. Et on en a ramassé 4, finalement, en tout, en excluant les autres, parce que les écrits étaient difficilement maniables, récupérables, pour pouvoir lancer la conscience des fidèles dans un chemin particulier. Alors, on va prendre l'évangile de Thomas, et on va dire, baf, non. On va l'éliminer, parce qu'il entre en contradiction avec les choses que nous voulons passer au peuple. C'est le langage des prêtres. Alors, il y en a qui vont... vouloir remettre cela dans leur Bible. Comment fait-on pour savoir qui a décidé que les 4 apôtres... Ça n'a aucune importance de savoir qui a décidé. Ils ont décidé simplement en fonction, premièrement, de l'importance de l'évangéliste. C'est extrêmement pénible d'éliminer Jean. Bon. Pierre aussi en a écrit un, mais on ne l'a pas pris. C'était pénible d'éliminer certains apôtres, et on a simplement ramassé les 4 évangiles qui étaient, comme je dis, les plus facilement transformables de façon... à faire en sorte qu'ils puissent arriver à éduquer certains peuples. Chaque évangile s'adresse à un peuple telluriquement et ethniquement et même au niveau de la langue différent. Alors, on a ramassé 4 évangiles qui pouvaient s'adresser plus facilement à 4 peuples différents et on a banni les autres. On a évidemment changé un peu les évangiles, on a manié les évangiles. Il y a des choses qu'on n'a pas manié dedans. Si on prend les évangiles de la Bible et qu'on regarde la généalogie de Jésus, et on se rend compte que d'un évangile à l'autre, c'est pas la même généalogie pour tout. Alors, de David, on passe par paquet d'hommes et de femmes pour arriver jusqu'au Nazaréen. Alors qu'on prend un autre évangile, et puis on passe par... ils sont mariés avec d'autres mondes. Hein. Ça parle avec David quand même. Ben, c'est-à-dire qu'on fait passer la lignée nazaréenne par la lignée de David. On change le milieu. Le point de départ et le point d'arrivée est le même. De toute façon, on s'était entendu là-dessus. Il fallait que ce soit un roi des Juifs. David ayant été un roi des Juifs, il fallait nécessairement... On avait encore le concept, qui est relativement vrai d'ailleurs, qu'à travers les lignées sanguines se réincarne ou se transfuse l'intelligence ou encore le potentiel soit royal, soit aristocratique. Étant donné que le Nazaréen venait au monde de Joseph et de Marie, de la secte nazaréenne, parce que Nazareth est une ville, un petit village qu'on a baptisé comme ça 300 ans après la disparition du Nazaréen, qui faisait partie de la secte nazaréenne. Il y avait les Nazarites, il y avait les gentils, il y avait les thérapeutes, il y avait les Esséniens, il y avait les Juifs, il y avait d'autres, bon, les pharisiens, etc., qui étaient quand même des espèces de sectes dans des sectes. Alors, on a fait passer la lignée, disons, sanguine par David, alors que la lignée réincarnationnelle du Nazaréen ne passe pas par le sang, elle passe par l'énergie, par l'esprit. Ça l'a passé par David, mais ça l'a passé aussi par le prophète Daniel, mais ce n'est pas passé par Élie aussi, ça va de soi, mais ce n'est pas passé par le sang. Et c'est pourquoi, en essayant de recréer une généalogie fictive, à partir de maintenant, en allant vers le passé jusqu'à David, eh bien, les évangélistes, enfin, ce n'est pas les évangélistes qui ont fait ça, mais ceux qui ont inclus les évangiles dans la Bible, sont propres un peu. On peut prendre n'importe quelle Bible, les erreurs sont toutes là, c'est évident. Mais ce n'est pas important. Le message reste quand même intéressant. Mais il y a un message qui est transporté par la Bible. Est-ce que c'était l'intention de Jésus qui a un message? Lui, il n'a pas écrit. Jésus, non. Qui a écrit sur lui. Jésus, non. Jésus, lui, la seule chose qui lui tentait, c'était d'aller jouer. Bon. Le Christ, il n'avait aucun message à passer. Le Nazaréen non plus. Donc, l'alliance des deux, Jésus-Christ, le corps fait Dieu ou l'homme fait Dieu. Ça n'avait aucun... Le Nazaréen n'avait aucune intention de faire passer un message. L'homme, quand l'homme s'exprime, il passe des messages. Quand l'intelligence s'exprime, elle passe. Elle ne passe pas de message. Elle traverse. Alors, le Nazaréen a traversé, il n'avait pas de message à laisser. Par contre, étant donné que la structure évolutive de la planète est mémorielle, nécessairement, tout ce qui a été fait est enregistré. Étant donné que c'est enregistré dans une mémoire préformée, la mémoire de l'homme, qui était déjà là avant l'apparition du Nazaréen, la mémoire qui va recevoir l'expérience nazaréenne est une mémoire émotive. Étant donné qu'elle est émotive, elle va colorer ce qui va venir s'incruster dedans, mémoire préformée. Le passage du Nazaréen a donc laissé des traces dans la mémoire akashique de la planète, dans la mémoire du monde de la mort juif, dans la mémoire du monde de la mort romain, dans la mémoire du monde de la mort de toutes les personnes qui l'ont connu ou qui ont entendu parler ceux qui l'avaient connu. Et ces mémoires événementielles, la mémoire même du passage du Nazaréen, est donc colorée par les mémoires qui les ont reçues. Et ceux-là vont maintenant écrire la vie du Nazaréen, et nécessairement, ce sera des messages. Ils essaieront de communiquer à autrui ce qu'eux-mêmes ne sont pas parvenus à connaître. Ils l'ont appris, mais ils ne l'ont pas rayonné. Ils l'ont puisé quelque part, mais ce n'est pas sorti d'eux-mêmes. Alors, ils vont passer un message, ils vont donc essayer de convertir. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de transformer les gens, de façon à ce que les gens soient capables de devenir un canal pour que le même message les traverse. Faire attention, c'est que la majorité des gens qui laissent passer un message deviennent comme des poteaux de téléphone. Ils n'entendent rien, ils n'écoutent rien, ils n'appliquent rien, ils passent le message. Et la majorité des humains, quelle que soit la religion, bien souvent sont des passeurs de message. Qui voulait donc qu'il y ait une Bible qui soit écrite? C'était le désir? Bon, la Bible, évidemment, l'origine de la Bible commence pas mal avant la venue du Nazaréen. Évidemment, c'était la Torah, c'était une forme de Bible. À l'époque, on n'avait pas encore la reliure et les presses pour couper. Mais on avait l'histoire du peuple juif, qui finalement se résume à être la Bible, c'est l'histoire du peuple juif. On ne parlera pas des bouddhistes, on ne parlera pas de d'autres peuples. Même dans l'Ancien Testament, on va dire que certaines personnes sont bannies et ils sont dû se réfugier dans la montagne où vivaient les autres peuples. Alors même l'Ancien Testament, à travers l'enseignement qui dit que Dieu a créé un homme et une femme à son image, Adam et Ève, et que par la suite, il y aura l'engendrement d'une race, on parle d'une race reliée à un faisceau, on parle de la race juive. Mais il y a déjà sur la planète des êtres humains, des animaux humains, qui, eux, vont être contactés par une autre particule d'un faisceau espritique, et cela va engendrer d'autres phénomènes religieux théologiques qui porteront d'autres noms, et qui, à travers l'expérience astrale de ces religions, va engendrer des égrégores différents, engendrant des égaux égrégoriens différents qu'on appelle des dieux, et ces dieux se feront la guerre dans le ciel, obligeant l'animal humain sur le plan planétaire à faire la guerre aussi à ceux qui nourrissent ce dieu dans le ciel, d'où toutes les guerres religieuses que l'humanité a connues, Alors que l'humanité n'avait pas de conscience, les guerres étaient des guerres de survie. Histoire de manger, histoire de s'abriter, histoire d'avoir du feu. Lorsque l'humain a commencé à avoir une conscience astrale, donc une conscience émotive, une conscience de désir, une conscience de mémoire, eh bien, immédiatement, il a été assujetti à un têteur cosmique, un dieu, qui se servait de l'homme pour que l'homme l'adore, pour que l'homme lui donne une énergie qui est hominale, une énergie qui ne provient, qui ne peut être créée que par l'homme, ou par tout ce qui touche de près l'homme. Une énergie qui ne peut créer que de la mémoire émotive, donc une énergie astrale humaine. Et lorsque les dieux ont besoin de l'homme, eh bien, ils vont donner des livres à l'homme dans lesquels sera confiné des lois. Par la loi, l'être humain est assujetti à répéter inlassablement les mêmes mécanismes. C'est une habitude divine, une loi. Une loi divine ou un rituel, c'est une habitude divine. Alors, lorsque toi, tu rentres chez toi le soir et que tu as, par exemple, arrivé et tu es parvenu à rendre ta femme esclave, lorsque tu rentres et tes enfants sont tes serviteurs ainsi que ton chien, eh bien, tu t'attends à voir tes pantoufles à la même place. Tu t'attends à ce que le repas que tu aimes arrive, que la soupe soit prête au bon moment donné, avec la température qui te plaît, que le journal soit quelque part, que la chaîne de télévision soit synchronisée à la bonne place. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'animaux humains mâles qui agissent de même, parce que le mâle devient de plus en plus un être humain. Mais pendant longtemps, c'était comme ça, il y avait la tradition, le rituel, comme le bonhomme qui part. On a déjà vu en noir et blanc, ceux qui sont un peu de mon âge, on l'a vu seulement dans Rocky Balboa. Mais papa a raison. Bon, il y en a qui l'ont vu avant. Alors, la femme, le fils, la fille, en ordre, bonhomme s'en va. Okay? Ça, c'est le rituel. Eh bien, les égrégores divins qui sont finalement des consistances planétaires de ce que peut être l'homme dans son individualité, mais étant donné qu'elle est constituée par toute l'expérience d'un peuple, nécessairement, et de tous ceux qui sont morts à travers l'évolution de ce peuple, cet égrégore a une connaissance, pas un savoir, une connaissance qui déborde énormément la connaissance limitée d'un homme qui se réincarne dans un corps physique. Ces égrégores-là, on va donc inculquer à travers des livres sacrés parce que ça crée quelque chose, des lois, des rituels, et ils vont dire à l'homme, premièrement, « Adore-moi ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire « Aimez-moi de l'énergie, recouvre-moi d'or ». L'or étant, alchimiquement comme théologiquement, l'un des métaux les plus précieux que l'Antiquité a connu. Alors, « Adorer » veut dire « recouvrir d'or ». Et l'être humain devait craindre son Dieu. Quand tu as peur, tu transpires, tu sécrètes des hormones, tu émets de l'émotion, ça nourrit. Quand tu es joyeux, ça nourrit. Quand tu demandes pardon et qu'on te déculpabilise, tu es dans une espèce d'euphorie qui est facilement détectable par un électroencéphalogramme, même un électrocardiogramme. Donc, c'est une question de sécrétion hormonale, donc d'émission d'énergie astrale émotive. Alors, il y a donc ce rituel. Si tu veux nourrir un Dieu, tu dois t'arranger pour que le Dieu soit content. Pour que le Dieu soit content, tu dois accomplir sa loi, son habitude. Alors, tu dois, par exemple, rentrer dans un temple. Un endroit où on a bâti une espèce d'antenne, un catalyseur, un focaliseur et une antenne, et c'est la collectivité se concentre, ça facilite les choses. Et tu dois faire, par exemple, une génuflexion en entrant, tu dois mettre ton doigt dans l'eau bénite, on parle de la tradition catholique qui est la plus connue, et tu dois après ça marcher en silence jusqu'à certaines places. Tu sais que l'être humain, l'intelligence, rentre par la tête. Dans l'église, la femme garde son chapeau. Oh, ça n'empêche pas l'intelligence de traverser, mais on parle de tradition pareil. La femme n'avait pas d'armes à l'époque. Pas question qu'elle n'ait une non plus. Quand politiquement elle a commencé à être puissante, il fallait bien y en donner une à certains bonhommes de la religion. Elle donnait une arme, elle restait dedans. C'est un accident. Ouais, c'est un accident de parcours de la religion, mais on a encore le peuple juif aussi qui se couvre toujours la tête. Parce que c'est un acte d'humilité par rapport à Dieu. Dieu est plus intelligent, l'intelligence ne pénétrera pas le juif, alors que le peuple juif est l'un des peuples les plus intelligents que la planète a connu. C'est d'ailleurs pourquoi au niveau du prieuré de Sion et au niveau de différentes structures franc-maçonniques, à l'époque d'Adolf Hitler, on s'est arrangé pour éliminer un peu la puissance juive, parce que l'intelligence supplémentaire qui devait revenir dans ce siècle ne devait pas repasser exclusivement par le peuple juif, comme ça a été le cas dans l'étape de Jean le Baptiste, du Nazaréen ou de Lazare. Alors, il y a des traditions qui n'ont pas d'utilité puisqu'il faut dans certaines époques, mais les lois sont importantes, les lois divines, sont des habitudes. Alors, on doit faire ceci. Tu veux prier un saint, il y a un rituel. Sinon, ce que tu envoies ne s'en va pas à ton saint. Il ne le reconnaît pas, ce n'est pas dans le bon emballage. Alors, les livres sacrés sont écrits. Premièrement, c'est si on regarde la Bible, si on regarde d'autres livres, ce n'est pas écrit avant que l'écriture arrive. C'est préhistorique, premièrement. Et lentement, ça devient historique et on communique que pendant ce temps, la tradition biblique, on peut dire, disons la tradition de bouche à oreille. Donc, théoriquement, de cœur pur à cœur pur. Et lentement, le peuple devenant trop grand, on manque d'acolytes, on manque de disciples, et on commence à communiquer de cœur pur à cœur potentiellement pur, et finalement de cœur pur à cœur plus impur, mais plus pur que ceux qui sont très impurs. Et lentement, par déformation, ça crée des petites sectes par-ci, petites sectes par-là, et ça crée des déformités, et ça crée des prêtres qui vont interpréter la loi à leur façon, et lentement, la loi change. La loi changeant, Dieu accepte le changement, parce que vu qu'on nourrit lentement Dieu d'une façon différente, eh bien Dieu change. Il s'habitue lui aussi. Puis... Il évolue avec l'homme. Un Dieu de colère et de vengeance, biblique, devient un Dieu d'amour et de pardon. Lorsque l'être humain était à une époque psychologique de guerre et de vengeance, c'est ce Dieu-là. Lorsque l'homme finit par avoir tellement expérimenté la colère et la vengeance qu'il en est écœuré, il est même écœuré d'être écœuré, et qu'il commence à penser à avoir la paix un peu, pour avoir la paix, ben, faut que tu oublies un peu ce que les autres t'ont fait, donc tu engendres le pardon. Mais lentement, ce Dieu-là aussi, si tu veux vibrer avec, il doit aussi te pardonner tes conneries. Alors lentement, Dieu évolue au rythme de l'évolution de l'humanité. Mais on parle toujours des dieux créés par l'homme à l'image et la ressemblance de l'homme. Ceux qui d'ailleurs vont engendrer des livres sacrés comme la Bible. Donc s'il y avait une Bible à être réécrite aujourd'hui, elle devrait être différente de celle qui a été écrite. Ben, la cosmogonie d'Urantia est une Bible américaine. Et si on lit la Bible américaine, et bien même s'il y a le Nouveau Testament dedans, la vie de Jésus, et s'il y a l'histoire des peuples, là, c'est une cosmogonie, comme la Bible est une cosmogonie. C'est la tentative d'explication des relations qui existent entre la logie et l'anomie. Alors, on a comme première science l'anomie, l'astronomie, cosmonomie, physionomie. On nomme les choses. Par la suite, on veut comprendre l'utilité de ce qui est nommé, de chaque objet, l'une par rapport à l'autre. Alors, on aura physionomie, on aura physiologie. Maintenant, on veut comprendre pourquoi l'estomac ou pourquoi est-ce que le rapport entre la rate, le pancréas et le système digestif. On va avoir aussi l'astrologie, qui, maintenant qu'on a nommé les astres, l'astronomie, on veut connaître la mécanique entre les choses nommées, on aura l'astrologie. Et par la suite, on passe à l'agonie. Et c'est d'ailleurs là que l'humain, bien souvent, se perd, dans l'agonie. Gonie veut dire perception et explication de la mécanicité entre un microsystème, un microcosme, et un autre microcosme, entre un homme et un homme, et non pas entre un estomac et son pancréas. Et dans cette cosmogonie, on aura aussi la tentative d'explication du microcosme planétaire par rapport au macrocosme que l'humain appelle création, alors que le macrocosme va être notre galaxie, par la suite l'univers, le super-univers, et finalement une mécanistique réactionnelle. Et on aura la cosmosophie par la suite qui va être l'explication de l'intentionnalité des choses. Mais la zophie, qu'on appelle aussi sagesse, qui en réalité est reliée au savoir, disons qu'on n'est pas encore, planétairement, collectivement, on n'est pas encore rendu là, on est arrêté à la cosmogonie, ou à l'agonie, soit anthropogonie, ou cosmogonie, ou théogonie, etc. Alors, lorsqu'on a une explication cosmogonique, la cosmogonie d'Urantia est une Bible américaine. Plus récente. Oui. Parce que le Dieu a changé depuis le temps où on Le Dieu américain n'est pas le même. Veux pas, l'humain ne prie pas, la religion américaine n'est pas la même que la religion britannique ou la religion française. On va dire, on prie le même Dieu. De toute façon, si on regarde les États-Unis d'Amérique, au niveau de la quantité de dieux qui planent au-dessus, hein, on va à San Francisco ou à Los Angeles, deux petites villes, puis on a la moitié du bâtiment téléphonique de Longueuil, qui c'est juste des sectes. Et puis si on va à New York, si on va ailleurs, ou etc., si on se promène aux États-Unis, c'est absolument effarant, la quantité de sectes, c'est fascinant, c'est génial. Ça permet à un peuple de ne pas être soumis à un seul dieu. C'est bien. Parce que lorsque un seul dieu, vous savez, un monopole, ce que c'est qu'un monopole, hein? Lorsque un seul dieu dit à un peuple, casse-le la gueule. Le peuple rentre en guerre. Contre lui-même, s'il y en a bon, contre les autres. L'islam et d'autres personnes. Les croisades catholiques, il y avait un seul Dieu. Dans un peuple comme les Américains, qui ont une puissance militaire absolument grandiose, eh bien, étant donné qu'ils ont un paquet de dieux, avant qu'eux autres déclarent la guerre, théopolitiquement, les deux n'étant pas d'accord, c'est très, très, très long. C'est un peuple qui ne peut pas entrer en guerre contre d'autres peuples, qui ne peut se défendre. Et on peut voir historiquement que les Américains sont toujours défendus. Pas mal à retard. Ça enlève l'esprit de famille. Tu regardes Pearl Harbor, où il a même fallu qu'on oblige les Japonais à bombarder la moitié de la flotte américaine stationnée là-bas. On les a laissés bombarder. On a occupé tout le monde. Le gouvernement s'est arrangé pour que les Américains n'entrent pas en guerre. Parce que le peuple américain n'aurait jamais voulu entrer en guerre. Fait qu'étant donné qu'on a ralenti les messages, qu'on a fait faire une fête, qu'on a dit à tout le monde qui était là de laisser faire, quand l'aviation japonaise a été repérée, eh bien, le message s'est pas rendu. Ah, c'est sans doute nos avions. On a parti les trompettes, on s'est amusé pour bien distraire. Les Japonais sont arrivés, ils ont tout massacré ce qu'il y avait là. Une heure après, les États-Unis d'Amérique entrent en guerre. Sinon, le peuple américain n'aura jamais voté un budget de guerre. Il aurait dit, bon, ben, plantez les Japonais, là, puis oublions ça. Mais ça aurait été juste un escapade comme on a fait avec la Libye. C'était pas une guerre. C'était une sortie. Un entraînement avec des vraies balles, c'est tout. C'était pas une guerre. Mais après ça, le peuple américain rentre en guerre, une chance. Alors, les Américains, étant donné qu'ils ont plusieurs dieux, ça leur permet de ne pas développer un ego national, tellement puissant qu'il aurait tendance à agir comme peut faire l'ego soviétique ou d'autres égos. Est-ce qu'il y a encore une utilité, d'abord, à la Bible aujourd'hui? Bien, évidemment, évidemment, tous ceux qui lisent la Bible en ont besoin. Pourquoi? Parce que la Bible répond ou soutient la révolution. Mais comment peuvent-ils nourrir le même Dieu si puis là, lui, a changé? Ah, bien, ils nourrissent un Dieu qui s'appelle la Bible. La majorité des Bibleux nourrissent un Dieu qui s'appelle la Bible. On n'a pas besoin de la Bible. La Bible, c'est un livre, un aide-mémoire. La Bible, c'est un livre, comme tous les livres sacrés. On va parler de la Bible ce soir, mais c'est la même chose pour les livres sacrés. C'est un livre, je l'ai déjà dit souvent, c'est un livre que tu dois acheter et ne jamais lire. Bon. Tu l'achètes parce que ça finance des gens qui ont besoin de financement, au niveau théologique, c'est très intéressant. Pourquoi tu ne la lis pas? Parce que chaque fois que tu la lis, tu l'interprètes. À l'instant où l'être humain lit un livre sacré, il lit un livre faux. 15 ans après, tu relis les mêmes passages, c'est pas la même affaire que tu comprends. Les livres sacrés, comme la Bible, sont bâtis exclusivement. Bon, premièrement, dans la Bible, il y a énormément d'intelligence. L'intelligence descend et elle vient se capitonner dans les mémoires expérientielles et émotives de l'homme. Donc, nécessairement, c'est écrit par des êtres humains et c'est totalement coloré. C'est en lignée. Mais ça ne dérange rien. La Bhagavad Gita va dire les mêmes phénomènes. C'est en lignée. Le Talmud, c'est en lignée. Les livres égyptiens, c'est en lignée. Mais c'est coloré. Mais il y a de l'intelligence là-dessus. Bon, il n'y a pas une religion qui ne prône pas foncièrement la même chose, même si les religions sont prêtes à s'entretuer entre elles. Pour pouvoir dire aux voisins, on doit vivre en paix, puis si c'est par la guerre qu'il faut que je te l'enseigne, on va le faire, la guerre. La paix est plus importante que ta vie. Bon, on a eu au niveau catholique le même genre de phénomène d'expression où on pouvait convertir quelqu'un même si on le tuait. L'acte de contrition parfaite. Au minimum, il fallait que l'individu, même en mourant, s'il disait « Mon Dieu, je t'aime », tu l'avais sauvé. Puis s'il ne disait pas « Mon Dieu, je t'aime », puis il mourait, ben tu étais quand même bon pour le ciel, tu avais tout fait. Bon, on avait un Dieu à l'époque qui avait besoin. Bon, qui se nourrissait. Les Incas les massacraient sur les autels. Bon, les catholiques les massacraient autrement. Hein? On sait très bien que dans l'Inquisition, pour nourrir certains dieux, c'était très, très, très simple. Je pense que tu es un sorcier. On va le vérifier. Alors, on t'attache, on te met dans une chaloupe, dans un lac, on te met dans l'eau. Si tu te noyes, tu étais innocent. Si tu t'en sors, le diable t'aide. Alors, on te tue quand tu sors. Et ça s'est fait longtemps. Dieu avait besoin de sang. Alors, l'Église s'est arrangée pour lui en donner. Bon. On peut interpréter comme on veut, mais mathématiquement, c'est très clair, très net. La Bible, elle a une grande, grande, grande utilité parce qu'elle permet à la majorité, comme d'ailleurs tous les livres sacrés, je le répète, la Bible, elle permet à la majorité des êtres humains qui sont confinés à devoir la lire, je dis bien devoir la lire, l'être humain étant totalement manipulé, il n'a pas le choix, ça permet à l'humain de se diriger là où il se dirigerait Bible, pas Bible. Par contre, il se dirige en Cadillac, plutôt que de se diriger à pied nu-pied. La Bible lui permet de supporter son ignorance. La Bible lui permet de supporter son inconfort. La Bible lui permet de supporter l'injustice divine. La Bible lui permet de supporter l'injustice humaine. La Bible lui permet de supporter toutes les questions qu'il a à se poser. Pourquoi? Parce que dans l'être humain de la mémoire, la Bible, c'est un ramassis de mémoire. La Bible, c'est la tradition d'un peuple, qui finalement va devenir la tradition d'un peuple religieux. C'est plus juif, ça devient catholique, universel. Et on peut aussi voir les Bibles, disons, les parties de Bible qui ont été ramassées soit par les protestants ou qui ont conservées par les juifs. Parce que c'est nous autres qui avons ramassé la Bible juive, puis on a rajouté des morceaux là-dedans quand même. Si on regarde, donc, quelle que soit la Bible, elle permet à un individu qui vit de mémoire, qui vit donc d'insécurité, qui vit d'instabilité esprétique. Je ne parle pas de spiritualité. La spiritualité, c'est la copie de l'esprit au niveau de l'ego, au niveau de l'âme. C'est une illusion. La Bible est spirituelle, donc c'est une illusion aussi. La Bible ne libère pas l'âme. Il n'y a aucune religion organisée qui libère l'âme d'elle-même. Toutes les religions assujettissent l'homme. Elles permettent à l'homme de monter jusqu'à un niveau où l'homme sert bien la théologie, donc nourrit bien son Dieu, et elle le stagne là. Bon, quand il meurt, il va dans le monde de la mort, dans le ciel, et il se fusionne à ceux qui l'ont connu. C'est vrai. Les mémoires sont fusionnées totalement, puis quand tu réincarnes, tu n'es plus pantoute ce que tu étais. Alors, les livres sacrés, même si elles sont de l'illusion, restent supportés par de l'intelligence. Un livre comme la Bible ne peut pas mentir. La problématique, c'est que c'est écrit pour que le lecteur puisse se mentir. C'est donc le lecteur qui change le contenu de la Bible au fur et à mesure de son évolution. La Bible ne change pas, elle, mais le lecteur change, lui, tout le temps. Oui. Tu haïs, mais haïs le voisin, tu l'haïs, tu le hais à mourir, lui, pas toi. Et là, tu écoutes une émission de radio, puis on te dit d'ouvrir, de trancher la Bible, tu l'ouvres quelque part, puis là, tu lis le petit paragraphe qui tombe sur les yeux, puis ça va répondre à ton problème. Avec la quantité de paragraphes qu'il y a là-dedans, on les change. Alors, tu veux tuer ton voisin, tu prépares ton arme à feu, ton couteau, t'habilles en Rambo, et puis tu ouvres la Bible comme ça, là. Tu viens écouter la radio, là, puis un doute, sinistre, tu ouvres. Et tu arrives sur Barabbas qui dit, voir Jésus, sois notre roi. On a besoin d'un chef pour les Zélotes, première guerrière replanétaire. On a libéré le peuple, notre peuple. Et le Nazaréen qui répond, tu dois aimer même tes ennemis. Ah ben, ça répond. Ça allait tuer le voisin, ça répond. Et puis, à un moment donné, eh bien, tu te rends compte que l'amour sur la planète Terre n'existe pas. Tu te rends compte que l'être humain qui aime, aime juste pour lui. Tu te rends compte que l'amour est absolument irrespectueux. Tu te rends compte que finalement, quand tu n'as pas tué la voisine ou le voisin, c'est pour aller au ciel. C'est pour être bien vu de Dieu. C'est pour toi, c'est pas pour l'autre. Fait que tu ne l'aimais pas. Tu l'as fait pour toi, tu t'aimais toi, mais tu ne l'aimais pas l'autre. C'est égoïste. Là, tu tranches la Bible. Flingue. Barabbas, ce qu'il dit à Jésus, tu dois être notre roi, notre chef. Et Jésus qui répond, tu dois aimer même tes ennemis. C'est la même maudite phrase. Là, tu dis, c'est l'amour réel n'existe pas, c'est une farce. Je regarde tous ceux qui s'aiment, ils s'ennuient de l'un de l'autre, donc ils souffrent. Ils sont jaloux, ils se battent. Les meurtres passionnels, les chicanes de famille, les manipulations totales, l'anti-liberté de nos enfants au nom du fait qu'on les aime. Puis là, tu découvres que, ben, s'il disait ça, le Nazaréen parlait peut-être d'une autre forme d'amour. Mais ça répond encore à la question. Quel que soit ce que l'être humain va vouloir couper dedans, s'il le lit d'une façon particulière, c'est-à-dire que la Bible est un miroir. Si tu, dans là, ce que tu vas lire, tu projettes ce que tu veux savoir, la Bible va te le donner. La problématique, c'est qu'après ça, il faut aller rencontrer le voisin pour l'instruire de ce que la Bible dit. Alors que c'est ta Bible qui dit ça, pas la sienne. Donc, si la Bible est un miroir, celui qui l'a écrit ou ceux qui l'ont écrit... La quantité de gens... savaient ce qu'ils faisaient. Non. Non? Mais non, l'être humain, c'est pas ce qu'il fait. Il le fait bien, okay. Mais c'est pas ce qu'il fait. Il était manipulé, ceux qui l'ont écrit. Ben oui. Bon, mais par qui? Qui manipulait ces gens-là à l'écrire de cette façon-là? Pour que ça donne le résultat qu'on dit là, que la Bible se transforme au fur et à mesure de la... N'importe quel livre, même l'annuaire téléphonique. Il y a un nom grec que j'ai vu, à un moment donné, j'ai coupé l'annuaire téléphonique pour savoir, puis le nom grec était Costa Macris. C'est un nom grec. Bon. Ça a répondu à ma question. Costa Macris. Mais regarde le livre. Pas juste la Bible. On parle dans ces livres de la foi. Tu as foi en la Bible ou tu as foi en... La Bhagavad Gita, ou tu as foi en d'autres livres, ou tu, même on peut prendre de n'importe quel livre, un roman. James Bond, Sherlock Holmes. Et puis tu tranches. Et puis ça, ça devient quoi? La Bible, qu'est-ce qu'elle est, la Bible? La Bible, c'est un immense jeu de tarot. Un immense paquet de morceaux de thé dans une tasse. La Bible, c'est un immense paquet d'osselets lancés au sol. C'est ça, la Bible. L'être humain... Évidemment, la Bible va dire on ne doit jamais se servir des mensies. Ben, fous d'une poche. Le Dieu qui est connecté à la Bible, il veut que tu lises la Bible comme mensie, pas les autres. Alors, tu prends la cartomancien, le cartomancien ou la cartomancienne prend une carte de tarot, elle met sur sa table, puis ça ne dit rien, la carte. Crème, elle ne dit pas la même chose pour chaque client. Paragraphe de la Bible non plus. Alors, le cartomancien est influencé par la personne, et puis sa psychologie joue là-dessus, puis lentement, ça le branche à un canal, par son canal réincarnationnel au monde de la mort. Il peut se connecter au canal réincarnationnel de l'autre, donc ils seront télépathiquement, émotivo-télépathiquement en relation. Et étant donné que lui n'est pas limité par son émotion, parce qu'il ne parle pas de ce qui va lui arriver, n'importe qui sait ici ce qui va lui arriver. Sauf que quand il essaie de le savoir, il projette ce qu'il veut qu'il y arrive, pas ce qui va lui arriver, donc il ne peut pas voir comme il faut. Mais le voyant s'en balance. Dans la Bible, étant donné qu'on met des mots au lieu de mettre des dessins, les osselets, c'est la même chose. Le I Ching, c'est la Bible taoïste, mais c'est le même phénomène. Alors, on ouvre la Bible et puis on lit le passage. Si on le lit, si on est capable de le lire avec cette capacité spirituelle, donc amique, il n'y a pas d'intelligence. Il y a de l'intuition astrale. Tu lis cela et tu auras nécessairement la lecture endoformique, la projection de... outils les plus extraordinaires placés sous les aisselles de l'homme. Alors, on a beau dire, oui, mais c'est une béquille. C'est comme si tu viens de briser une jambe, t'as un plâtre. Là, je dis, ouais, mais t'as dit béquille. Ton plâtre, c'est pas bon, regarde, t'as même dit béquille. C'est un béquilleux, c'est ce qu'il a besoin. La Bible, c'est une béquille. Le corps physique, c'est une béquille. La planète Terre, c'est une béquille. Les aliments que tu manges, des béquilles. Bon, les concepts, quel que soit le concept, c'est une béquille. Mais on peut peut-être, on peut dire beaucoup plus intelligemment que c'est un échafaud. C'est pas une béquille. C'est un échafaud, ça bâtit l'homme. Ça ne le supporte pas temporairement. C'est comme quand on parle de béquilles, on veut dire que l'humain savait, passe ses contre sa gueule, puis là, il donne des béquilles. Pour qu'il se récupère. C'est un échafaud. L'être humain est descendu dans le contexte de la matière au niveau de l'intelligence. Nous avons été, nous nous sommes mandatés, nous nous sommes fonctionnalisés. On a une fonction, celle de faire en sorte que tout ce qui a été créactivé, tout est créé, revienne à son état primaire vers ce qui l'a créé, le centre-source, le créateur. Enfin, pas du créateur de l'homme et de l'univers comme on le voit dans la Bible, hein, parce que ça c'est créé dans le ciel, le Dieu dans le ciel. Le ciel c'est le monde de la mort de notre planète Terre, c'est pas les cieux, bon. Et le rôle de l'homme, c'est de descendre dans de la matière. L'intelligence descend dans la matière. Elle va par la suite malléabiliser la matière. Elle va animer la matière par une espèce de coloration d'elle-même, l'âme. Et elle va, à travers l'évolution des générations, à travers un peu plus de 4,5 milliards d'années de tentatives, arriver à la création d'un corps physique qui est maintenant capable de supporter de l'ego de l'âme, donc le virus planétaire, l'anti-espritique qui vit de spiritualité et non pas d'espiritualité, qui vit de trip émotif, celui qui aime son Dieu, celui qui espère que Dieu l'a remarqué, celui qui espère que Dieu va y laisser une chaise dans la salle de conférence en haut à droite au ciel, celui qui espère qu'il ne souffrira plus, celui qui espère qu'il n'ira pas en enfer éternellement, c'est là qu'il dit non, pas éternellement, 8 milliards d'années. C'est pas ça qu'il voulait savoir non plus. Celui qui espère, celui qui vit d'un facteur émotif, sa religion. Lentement, il y a cette âme-là, ce facteur-là, qui anime et qui supporte temporairement à travers des mensonges cosmiques, dont la Bible, dont les autres livres, dont les concepts de réincarnation tels qu'on les connaît, dont les concepts du phénomène extraterrestre, dont les concepts du médiocrisme humain. Quand l'âme se regarde à travers un miroir cosmique, c'est évident qu'il voit une larme. Parce que l'âme, c'est pas de la merde. C'est moins. L'âme, c'est rien. C'est de la mémoire, tout court. C'est en plus très problématique chez l'homme. L'âme, c'est de la mémoire, c'est de l'émotion. L'être humain se dit, oui, mais je suis émotif. C'est quand même, on est humain. On est animal. Pas humain. L'humain est au-delà de l'émotion. L'humain vit du sentiment. L'humain vit d'une vibration instantanée avec un événement. L'humain ne vit pas avec la coloration qui va dire, ah oui, mais ah, lui, j'aime pas ça. Ah, ça, pas encore ça. Juste avec sa mémoire comparative. C'est pas ça, l'évolution. L'évolution, c'est pas d'apprendre ce qui est beau et ce qui est laid. L'évolution est de voir les choses telles qu'elles sont. La Bible, nécessairement, pour paramétrer l'humain en fonction d'un égrégore particulier, donc d'un Dieu particulier, va déterminer des paramètres. Il y a donc les mauvais, il y a les gentils, et il y a ceux qui sont dans la bonne voie, comme toutes les religions vont le faire. Et personne ne sort, parce que celui qui est mormon doit être mormon. Il n'évoluera pas sans ça. Celui qui est catholique pratiquant n'évoluera pas sans ça. Celui qui est catholique fatigué n'évoluera pas sans comme ça. Celui qui est bouddhiste, celui qui, quel que soit le phénomène religieux, celui qui est tout seul chez lui, c'est la même chose. Il est convenablement dans son chemin. La Bible, c'est un jeu de cartes, un tarot formidable, un tarot qui permet de répondre aux questions traditionnelles. On a la cartomancienne qui a des gros problèmes, qui sort ce tarot, puis qui se comprend. Puis quand elle tire la même affaire, puis elle la comprend différemment. On a la tireuse de Marc Vité, on a celui qui va lire la Bible. Mais tu disais tantôt que celui qui... La Bible, tu n'en as pas besoin. C'est que si tu ne l'as pas lu, tu vas y arriver quand même. Si tu n'es pas au tarot, tu vas quand même arriver où tu dois aller. Tu vas peut-être souffrir plus. Peut-être que l'expression béguille n'est pas la bonne. Mais tu vas peut-être souffrir plus si tu n'as pas utilisé le tarot, le thé et la Bible. Mais tu vas quand c'est même faux. Arriver où tu vas aller. C'est faux. Qu'est-ce qui est faux? Que tu vas souffrir plus. Premièrement, il est absolument impossible de considérer le fait qu'un être humain qui avait besoin de la Bible ne s'en soit pas servi. Ce n'est jamais arrivé. Et ça n'arrivera jamais. Il est inconcevable de vouloir placer en concept que celui qui a besoin d'une chose a la faculté de ne pas s'en servir. Non. Il est inconcevable de dire que l'être humain est peut-être ignorant et c'est parce qu'il ignorait l'existence de la Bible qu'il ne l'a pas fouillé dedans. Bien, si le Dieu dans la Bible était le Dieu de justice, pourquoi, à bout de plug, a-t-il donné une Bible à des gens puis l'interdit à d'autres? Puis les autres, étant ignorants, mangeaient plus de... jusqu'à temps qu'un jésuite ou quelqu'un vienne leur montrer la Bible. Prenons l'exemple à Tahiti. Ce sont des animaux humains, ce sont des êtres humains, comme le reste de la planète. Quand les catholiques sont arrivés là, ils ont bâti une église, évidemment. Parce que quand tu arrives là, il faut que tu amènes ton égrégore. Il ne faut pas te nourrir émotivement, théologiquement, si tu n'amènes pas ton égrégore. Donc tu amènes ta croix, tu amènes ton église, ta forme, ta Bible, tu trouves ça bon. Et les peuples tahitiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient des enfants comme tout le monde. Mais pas avant le mariage, ils ne mariaient pas eux autres. Mais c'est pas grave, c'est des animaux, vu du point de vue catholique, comme les sauvages ici, c'est des animaux. Alors, on est arrivé, on s'est rendu compte que ça faisait l'acte sexuel un peu partout. Alors que nous, les civilisés, on le faisait pas partout, dans le noir seulement. Les autres aussi. C'est pas tout noir, c'est blanc. Et puis, pas été à Tahiti encore. Et puis, par la suite, eh bien, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des enfants, hein? Il n'y a pas de télévision. Il y avait des enfants. Et que les enfants appartenaient à personne parce que personne ne savait à peu près qui c'est qu'ils avaient fait. Fait que trois enfants rentraient dans une cabane, puis ils couchaient là, puis les parents, ben, ils sont, ça ne dérange rien. Tout le monde nourrissait tout le monde, on éduquait tout le monde, puis il n'y a pas de possession. Alors, il fallait les civiliser, torieux, il fallait leur montrer la bonne voie. Et ils ne chicanaient pas. Ça allait mal. Et comment veux-tu confesser quelqu'un qui n'a pas de péché? Tu commences à mettre des lois. Maintenant, des lois, tu es sûr que si tu mets une loi qui déjà les oblige à changer, ils vont nécessairement pécher. Avant qu'ils s'adoptent, qu'ils soient intégrés, digérés, ils vont pécher. Alors, on a fait l'église. Et puis, à un moment donné, ben, il y a des Tahitiens, des Polynésiens qui sont arrivés là, qui ont fait l'amour dans l'église. Le prêtre est rentré. Le prêtre est sorti. Il est revenu avec une pelle. Puis là, il est mis dehors. Ça date de longtemps. La pelle était en bois. Et le peuple polynésien de cette époque a considéré, conscientisé, qu'il ne comprenait pas l'idée d'un dieu d'amour qui interdisait qu'on fasse l'amour. Les autres, c'était pas une relation sexuelle de fesse à fesse. C'était une plénitude totale, un tantrisme non codifié. Alors, ça n'a pas marché. Alors, il y a donc ces Polynésiens-là. Pourquoi ils n'ont pas connu la Bible? Pourquoi ils étaient ignorants de la Bible? La Bible était satanique pour eux autres. C'était nuisible. Il n'y en avait pas besoin pour évoluer. Les Indiens d'Amérique n'ont pas besoin de la Bible pour évoluer. Il y en a un Indien dernièrement qui a dit, quand vous êtes arrivé, vous aviez la Bible, on avait montagne puis territoire. Maintenant, vous avez territoire puis montagne, on a la Bible. On a fait un échange. Ben là, il aimerait bien ça qu'on refasse l'échange. Oui. On va vous donner votre mot de Bible, on va vous donner nos territoires. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que dans le peuple nord-américain, disons, on n'a pas tous, les Québécois, on n'a pas tous eu besoin, ont pas tous eu le goût, en tout cas, de lire la Bible. Ils l'ont pas tous lu. Il y en a eu beaucoup. Il y en a plus. Québécois est un peuple intelligent. Nécessairement, il ne peut pas supporter longtemps le poids de la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible, elle a toujours été imposée par le fouet. Un esclave intelligent est nécessairement révolté. Le premier mot que dit l'intelligence, c'est non. Nécessairement, le Québécois étant un peuple intelligent, je ne dis pas qu'il est un peuple, il devient efficace, il devient intellectuel, il devient un peuple d'affaires lentement, progressivement. Intelligent ne veut pas dire que tu gagnes à la loterie, que tu as des grands commerces, etc. Intelligent veut dire que tu ne te soumets pas. Le peuple québécois étant tellement intelligent que c'est devenu stupide et absurde dans l'apparence pendant la transition, à un point tel que le peuple québécois se mange la laine sur le dos, se montait les uns contre les autres, c'est toujours non. Mais c'est correct, c'est une phase d'adolescence, une transition. Alors, nécessairement, les premières régions où on a banni totalement ce phénomène biblique, ou la religion elle-même, on a décidé de bannir les lois humaines et de conserver les lois divines. On a banni l'Église, bien souvent, et on a gardé la Bible. Les Américains, ça n'a pas été long. Qui ont éternué, et qui ont suivi. Et puis, maintenant, on a encore un peu la Bible, on l'interprète à sa façon. On la lit de temps en temps, car on a des problèmes. L'intelligence ne peut pas accepter de subir le cheminement évolutif relié à une tradition archétype, une vieille tradition, qui ne s'adresse pas à l'intelligence. La Bible est un livre qui s'adresse à l'émotion. La Bible est un livre qui s'adresse au désespéré. La Bible est un livre qui s'adresse à celui qui a peur. La Bible est un livre d'espoir. Mais la Bible n'est pas un livre qui s'adresse aux guerriers. La Bible n'est pas un livre qui s'adresse à celui qui n'a plus besoin d'espoir, à celui qui sait, à celui qui se supporte, à celui qui vibre qu'il n'est pas abandonné. La Bible ne sert plus à celui-là. La Bible ne sert pas non plus à celui qui comprend l'intelligence des choses, qui n'a pas besoin de règlement. Moi, j'arrête sur un feu rouge parce que je vois l'intelligence de ne pas traverser le feu rouge. Parce qu'il y a des autos qui traversent. Juste de voir rouge. Mais on met des règlements pour ceux qui n'en voient pas l'intelligence. Ceux-là, on doit leur mettre des règlements. Ne pas stationner dans un stationnement réservé aux handicapés. Tu n'as pas besoin de mettre de l'amende, tu mets une pancarte. L'intelligence ne stationne pas là. Tu es mal pris, tu es ici, tu es ça, tu ne stationnes pas là. Mais on met des règlements parce que la société est embossée avec des constitués d'animaux humains dans la majorité des cas. Eux autres, ils stationnent là. Remarque, ils sont handicapés. Mais pas la pancarte, ça ne s'adressait pas du genre handicap. On peut donc sous-entendre qu'on va avoir de moins en moins besoin de la Bible. D'après ce que tu dis. Bon. D'après ce que je dis, moi, c'est que l'homme doit devenir son seul maître. Donc, il n'y a plus besoin de la Bible. Peut-être. Moi, je me suis servi de deux dictionnaires pour supporter mon lit, une patte de café. La Bible est quand même un livre épais. Ça peut aider. Non. On n'aura plus besoin de la Bible. Il faut comprendre une chose qui est extrêmement importante à comprendre, et que la majorité des personnes assujetties des traditions organisées ont de la difficulté à saisir. Religion vient du mot religares, ça veut dire connecté. C'est une technique, la religion. Une technique qui permet à l'homme, qui instruit l'homme de mécanique. Alors, première technique, entrer en contact avec ce qui a créé l'âme, le Dieu dans le monde de la mort, là d'où vient notre réincarnation. Autre technique, s'arranger pour que nous qui nourrissons la même forme d'énergie qui nous donne de la puissance, cessons de nous entretuer. Alors on doit s'aimer. Cela veut dire qu'on doit, et l'amour biblique est l'amour qu'il y a trop sur la planète Terre. C'est un amour où chaque individu devient obligatoire dans le système. Quand on a un système du genre où on doit maintenant s'aimer les uns les autres pour qu'on cesse de s'entretuer, cela veut dire que je deviens dépendant de la collectivité et je ne le tuerai pas parce que je vais souffrir dessus. Pour ne pas souffrir, je le laisse en vie. Je ne tuerai pas non plus parce que ça va m'affaiblir. Alors, je ne veux pas. C'est une partie de Dieu que je tue. C'est une partie de mon égrégore. Alors, finalement, ces lois sont absolument géniales et ils permettent de supporter un corps physique habité par de la mémoire astrale, la mémoire expérientielle, reliée à des archétypes cosmiques qui permettent la création des phénomènes divins, les explications cosmogoniques de l'époque. La Terre est plate. Remarquez qu'elle était très plate à l'époque. Maintenant, on a de la télévision, les vidéos, c'est moins plate. Et maintenant, elle est ronde. Bon, on peut tourner. Mais, alors, on avait des explications cosmogoniques du tonnerre. Il n'y avait aucune autre planète habitée. Il n'y avait aucun autre soleil que le nôtre. Il y avait, bon, finalement, aujourd'hui, maintenant, c'est peut-être pas d'autres soleils. Dans des miroirs quelque part, parce que notre soleil se reflète à bien des places. Bon, on peut en mettre des idées si on ne veut pas sortir de la Bible. Mais la Bible, elle a donc permis à l'être humain, et elle permet encore à énormément d'humains, qui sont encore dans des corps physiques trop involués. Et ce n'est pas péjoratif, on ne peut pas dire, ouais, c'est un défaut, il est involué. On est comme on est. Ça ne sert à rien de dire autre chose. De dire que les verres de contact vont dans les yeux des personnes qui sont myopes. Ah, t'es insulte. Bon, ben, faisons pas de verre de contact, je n'insulterai jamais. Ils n'iront rien, par exemple, mais je n'insulterai pas. Nécessairement, ça va là. Alors, la Bible sert aussi à supporter l'inconscience de l'homme, pas la conscience. Lorsque l'être humain devient intelligent, nécessairement, il va parfaire la loi. Mais quand, par la suite, tu prends la Bible, tu as lu la Bible un petit peu? Bon, ben, tu me donneras des commentaires. On va voir si aujourd'hui l'intelligence a besoin de ces commentaires-là. Lorsqu'on devient intelligent, nécessairement, on pourrait réécrire la Bible. Quand je parle d'intelligent, je ne parle pas d'intellectuel. Mm-hmm. Intelligent, ce n'est pas celui qui sait que 5 à 5, on dit, ou 25. C'est pas ça. Intelligent, c'est celui qui sait instantanément ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. Être intelligent veut dire ne jamais réfléchir. J'ai deux pommes, laquelle qui est la plus énergétique, la plus adaptée à mon corps, quelle est celle que je vais le mieux assimiler? Là, il faut que je réfléchisse. C'est pas intelligent. Je suis perdu, quel chemin dois-je prendre? C'est pas intelligent. C'est intellectuel. Il faut que tu saches. Oui. Et de quelle façon on arrive à savoir? C'est simple, prends une des pommes, prends un des deux chemins. Tu arrives là, tu dis, bon, ben tiens, je prends celui-là. Puis là, ça se met en dedans, ça te hante, ça te manipule au bout. Ouais, mais tu t'es trompé, le cœur, t'as pu faire. Tu aurais dû te renseigner avant, Tu aurais dû tout changer le passé, tu ne peux pas changer. T'sais. On aurait donc dû. Bon. Tu prends ce chemin-là, tu te rends compte que tu t'es trompé. Ça change quoi? Il n'y a plus avec leur carte, ils font. Ça valait pas la peine de réfléchir. Tu ne savais pas de toute manière. Alors, tu aurais pu réfléchir et prendre le bon et prendre le mauvais. Tu aurais pu ne pas réfléchir et prendre le bon et prendre le mauvais. Mais tu as sauvé du temps. Tant qu'à te perdre, après 10 minutes de réflexion là-bas, là, tu es 10 minutes d'avance pour te retrouver. Bon, tu ne voulais pas la peine de réfléchir. Bon. Sauf qu'à un moment donné, tu fais toute ta vie comme ça. Comme ça, comme ça. Il va venir un temps où tu vas déguster une saveur différente. Tu vas arriver pendant un chemin. Cette saveur-là, elle apparaît quand tout. Elle est apparue chaque fois que tu t'es trompé. Alors tu sais. Mais là, tu réfléchis plus, tu es devenu intelligent. Est-il nécessaire maintenant de te dire, tu ne voleras point? Et on dort. Il y en a qui volent la Bible. Les hôtels, va voir. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. J'ai un corps physique qui doit manger. Ça serait que le mandat m'appartient. Je dois tuer les animaux. Je dois tuer les plantes. Oh non, non, non, c'est des humains. Tu ne tueras point d'humains. Ça, c'est de l'interprétation, mon petit. C'est pas écrit dans la Bible. C'est écrit, tu ne tueras point. C'est pas écrit, tu ne tueras point celui qui est blanc. Tu ne tueras point le catholique. Tu ne tueras point l'homme. C'est pas ça qui est écrit, tu ne tueras point. Je ne tuerai point. Si je me laisse tuer, est-ce que je me suis tué? Puis en plus, une plante, une planète, et tout le monde veut me tuer. Plein de guerres. Des attaques, des viols, des vols. Tu ne tueras point. Il aurait pu mettre, tu ne vivras point. Ça va s'appliquer les choses. Non, ça s'adresse à celui qui est dans la même égrégore. Lui peut tuer les voisins. Les croisades, délivrer le tombeau du Christ en terre sainte. C'est-tu quelque chose de plus con? Allez chercher une tombe. Alors qu'il n'est même pas là. Il est ressuscité ou pas? Branchons-nous. Dans la Mais vie. C'était brillant. Parce qu'il y avait tellement d'énergie plantée là que les catholiques, s'ils voulaient, c'est l'énergie qu'ils ont. Il ne faut pas qu'elle serve au Dieu islam. C'est leur énergie qu'ils allaient chercher. Eux pouvaient tuer pour faire ça. Ça, c'est pas grave. Eh oui. Eux, et puis la guerre étant la guerre, ben, on vient là, on voit l'homme un peu, ben, les animaux. Les croisades, ça donnait. Quand l'homme devient intelligent, il n'a pas besoin de règlement. Il s'auto-réglemente. Il ne s'auto-réglemente pas. Il ne peut pas. Celui qui a besoin de la Bible ne peut pas la rejeter. C'est impossible. Il ne peut pas. Quelqu'un qui a besoin de la Bible, moi je vais le voir, puis je lui dis la Bible est un tissu de mensonge. Ça ne va rien changer. Il va ouvrir la Bible, elle va dire, faites attention, faux prophète. Tout. Il n'y a aucun danger. Il n'y a pas de problème. Dans la Bible, dans les différents épîtres, il y a les mêmes récits à peu près, c'est-à-dire qu'on raconte les mêmes histoires, mais pas de la même façon. Un exemple, Jean qui dit à un moment donné qu'il parle d'un disciple que Jésus aimait. Il y a juste lui qui parle du disciple que Jésus aimait, on ne le nomme jamais. Non, c'est le 14e disciple. C'est qui? C'est Lazare. On n'en parle pas. Jean était proche. Jean était un des très très bons disciples du Nazaréen. Pierre était un des plus mauvais. Jean était un des bons. Lazare était le préfet. Alors Lazare, il était là lorsque les 12 ont mangé avec le Nazaréen. On n'en parle pas. C'est un top secret. Il a toujours été relativement occulte, Lazare. C'est le comte de Saint-Germain, c'est Hiram Abiff, c'est Thomas Paine. Et c'est un autre personnage aujourd'hui. On dit aussi là-dedans que Jésus dit que le disciple qui aime sera là quand lui reviendra, puis qu'il aura toujours été là. Ça va de soi. Saint-Germain a toujours été là. Il va être là jusqu'au retour du Nazaréen. Enfin, de l'énergie christique, l'énergie supramentale. Et Lazare, maintenant, va résorber son 13e faisceau, sans malheur. Lui va disparaître toujours, hein, à ce moment-là. Il va disparaître. Du point de vue humain, ils vont disparaître, mais ça ne disparaît pas. Pourquoi il y a des différences comme ça? Pourquoi Jean l'a relaté? Pourquoi les autres ont pas relaté? Est-ce que c'est parce qu'il y a juste Jean qui est au courant? Non, parce que premièrement, l'être humain, comme tout à l'heure j'expliquais, est de l'être humain manipulé, coloré, il a de l'émotion, du désir, des mémoires, de l'expérience, il est astralisé, donc nécessairement, lorsqu'il voit un événement, il le colore et il va l'écrire à sa façon. Luc a remis ce qu'il considérait de plus important. Évidemment, on a éliminé de l'évangile de Luc ce qu'on voulait pas qu'il soit là. Bon, Marc va faire la même chose. Il va expliquer ce qu'il voit de plus vibrant. Et puis Jean, lui, va expliquer aussi. On a Luc, par exemple, qui parle énormément de prophéties apocalyptiques, qu'on ne retrouvait peut-être pas dans les autres évangiles. On a aussi le récit formidable et extraordinaire du Nazaréen qui s'en va tout seul dans le désert. Ils sont quatre à compter qu'est-ce qui s'est passé. Oui, c'est lui qui n'a pas écrit. Théoriquement. Il y avait des jumelles, des longues vues, des espions, à quoi? Mais est-ce qu'on peut penser qu'il y en a un paquet là-dedans qui a été inventé, tout simplement, qui a été romancé par la religion? Non. La religion n'a pas cette caractéristique d'inventer, de fausser volontairement. Quelle que soit la religion, elle est foncièrement juste, c'est-à-dire qu'elle... Une religion, comme la religion catholique, qui est supportée par la Bible, c'est une chose absolument extraordinaire. C'est quelque chose de fascinamment intelligent. On n'a aucune idée de toute l'énergie d'intelligence imbriquée dans n'importe quelle religion pour arriver à la structurer, à la maintenir, dans un caractère ascendant, volitif, évolutionnaire, un corps physique animal, avec pour arriver à lui donner une expérience qui va finir par être suffisamment solidifiable pour être coordonnable dans une idée de masse pour former un peuple, un clan, une tribu, un peuple. La religion des ancêtres, la religion, quelles que soient les religions, c'est la même chose. Et quand on en arrive à une ampleur, à pouvoir manipuler des peuples, de façon à faire en sorte que la planète en entier soit soumise à des trames religieuses, on a beau bucler contre des phénomènes d'une religion, parce que la Bible, c'est un livre absolument génial. Je ne dis pas que la Bible, c'est con. C'est de l'illusion. Mais comment arriver à ajuster de l'intelligence par la voie de l'illusion à un animal humain qui ne peut pas comprendre? Et quand tu arrives à écrire des livres sacrés qui permettent à un animal humain de se supporter avec, de cesser de s'entretuer, mais il va faire des guerres entre les autres peuples, mais ça, c'est résiduel, secondaire. Lentement, on sera un peuple planétaire, comme on a eu des guerres entre les camps, des clans, des guerres entre les nations, entre les cités. On a eu Sparte, Athènes, on a eu un paquet qui était carrément séparé avec des philosophies différentes. Et lentement, ces trames religieuses qui fonctionnent dans l'illusion, mais on n'a pas le choix. Qu'est-ce que l'homme demande quand l'homme a peur? De l'illusion. Qu'est-ce que l'homme demande quand l'homme a peur? De l'espoir. De l'illusion. Quand l'homme est hyper négatif, il veut du positivisme. De l'illusion. Quand l'homme est mal pris, quand l'homme se sent totalement abandonné, qu'est-ce qu'il veut? De l'illusion. Il veut juste de l'illusion. Une illusion adaptée à ce que sa conscience astrale pourra considérer comme ayant une valeur de justice, de vérité. Alors on va lui dire, eh bien, ce Dieu de vengeur et de colère te pardonne quand même. Ça reste de l'illusion. C'est l'homme qui doit se pardonner. C'est lui qui se culpabilise. C'est 99% de son karma. Alors, on va à l'église et le prêtre te dit au nom de Dieu, je te pardonne. Sors de là, libéré. L'humain n'a pas la puissance psychologique de se pardonner lui-même. Alors, on met la confession. On va dire, oui, mais la confession, finalement, on n'a même pas besoin. Quand on avait besoin, une chance qui était là, mon ami. Quelles que soient les structures religieuses, j'ai déjà été prié, mais ça n'a rien donné. Tu as déjà été ne pas prier, mais ça n'a rien donné non plus. Alors, tu ne peux pas dire, ce sont des phénomènes qui permettent de supporter la conscience volitive de l'homme. Lorsque l'intelligence, autrement dit, lorsque ce qui a formé les êtres humains qui ont écrit la Bible, commence à vous chatouiller les neurones, on peut la réécrire, la Bible. On peut rajouter la loi. On peut la rajuster, on peut la fermer. On peut l'achever, la parfaire. Pas en l'écrivant nécessairement et à la donner à d'autres. Les livres sacrés présentement connus sur le plan planétaire sont suffisants pour supporter toute l'humanité. Lorsqu'on devient intelligent, on ne va pas convertir. L'intelligence n'est pas question de croyance. Vous pouvez croire qu'un jour, vous serez l'esprit. Et lorsqu'on a l'esprit, on n'a plus besoin de croire. Donc, celui qui a l'intelligence ne va pas convertir autrui. Il ne va pas faire une campagne, une croisade contre la Bible. Parce qu'il fait une croisade contre l'intelligence qui a instauré la Bible. Intelligence qui maintenant l'instaure lui. Alors la Bible, c'est formidablement génial, comme d'ailleurs les autres livres sacrés. Et les structures religieuses. Quand les colons sont arrivés ici, qu'est-ce que cela aurait été sans Dieu? Ça n'aurait pas fait dur. Ben, ça n'aurait pas fait dur, il ne serait jamais parti. Christophe Colomb, ça a prié de longtemps. C'est quoi l'intelligence? L'intelligence qui a instauré la Bible. C'est quoi l'intelligence? qu'est-ce que l'intelligence qui a instauré la Bible? Bien, il faut aller un peu loin, hein? Il faut remonter un peu loin. Parce que c'est ça, finalement, qui a écrit la Bible. Non, c'est ça qui a manipulé les individus qui ont écrit la Bible. Des parties de la Bible ont été écrites par des forces melchisédiennes qui ont travaillé avec des êtres humains et qui ont permis, par intermédiaire soit de scribes, soit de d'autres personnages, d'écrire des récits. On a une grande partie de l'Ancien Testament qui a été écrite sur des histoires égyptiennes. Il y a eu des contacts melchisédiens un peu avant, donc postérieur à cela et maintenant aussi. La Bible elle-même, son histoire, son récit commence un peu vers la fin de l'époque lémurienne. On va poursuivre très rapidement et on arrive à Noé. Noé qui est un Atlante. Et à cette époque, la planète Terre est encore gazeuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il y a des continents qui sont extrêmement fragiles, qui de temps en temps, sous le poids même de leur densification, deviennent tellement pesants qu'ils s'effondrent et disparaissent. Ça a été d'ailleurs le cas de l'Hyperborée. Ça n'a pas été le cas de la Terre blanche et le bouclier canadien. Et ça a été le cas de la Lémurie, de l'Atlantide par la suite. Lorsque Noé est en Atlantide, la région où il travaille, c'est les îles Galapagos, et il travaille à la formation du chat et du chien, deux animaux qui, l'un servira à supporter l'énergie vitale de l'âme, le chat, l'autre à supporter l'énergie astrale de l'âme, le chien. À travers ses études de génétique, étant donné que le corps de l'âme n'a pas la même densification qu'aujourd'hui, il arrive à jouer avec suffisamment de codes génétiques, il fabrique différents animaux. Il va former le lion, qui ne sera pas à son goût du point de vue du support vital de l'âme, et à un moment donné, il sait très bien que l'atmosphère planétaire va s'effondrer. Alors, il bâtit deux immenses boîtes de bois dans lesquelles il rentre tout son laboratoire, du moins plus ou moins deux de chaque espèce. Et lorsque l'atmosphère tombe, c'est le déluge. Par la suite, la Terre est donc maintenant recouverte d'eau. Il y a encore de la brume. Et pour la première fois, les yeux de l'homme voient le soleil. Et ils voient aussi des arcs-en-ciel. Et Noé sait très bien que maintenant que c'est tombé, il n'y aura plus de déluge. Émotivement, on va traduire, Dieu fait une promesse, et c'est un symbole, l'arc-en-ciel, comme quoi il ne délugera plus la planète Terre. Bon, il y a une arche qui va s'effondrer près des terres de feu. Et l'autre, sur le mont Ararat, en Turquie. On compte l'histoire depuis ce moment donné-là. Il y a Hiram Abiff qui va naître là, qui va aider la construction du temple de Salomon. Et on aura une structure évolutive d'un peuple conçu par l'intelligence, un peuple animé par l'intelligence. Le peuple, il faut comprendre une chose. En Lémurie, il y a eu un contact entre une race adamique et une race violette, qui s'est vibratoirement approchée de la race humaine, de l'animal humain. Et son rôle fondamental était de faire ce qu'elle a fait, mais du point de vue cosmique, le mensonge cosmique qu'on leur avait donné était de rester un peu plus d'un milliard d'années avec, au contact de l'animal humain, jusqu'à temps qu'au contact de cette vibration-là, l'animal humain finisse par être suffisamment volitif, donc évolutionnaire, fusionnel, pour arriver à avoir un corps qui permettrait de recevoir de l'intelligence. C'est ce qu'on a dit, ces mecs. À travers ces mecs, ces porteurs de lumière, il y avait des entités qui ont simplement accompli des traditions. Il y avait Lucifer, il y avait un paquet d'autres phénomènes lucifériens, et qui, eux, ont fini par, étant donné que la race violette se densifiait régulièrement, vu son point de vue planétaire, et que la race humaine se réchauffait en refroidissant la race violette, la race adamique, lentement, les peuples ont été capables de cohabiter génétiquement. Alors, il y a eu l'enfantement d'un peuple. Et c'est ce qu'on appelle la chute de l'homme. En réalité, c'est la chute de l'ange, la chute de Lucifer. Mais c'est pas une chute, c'était prévu, c'est comme ça. Ça ne pouvait pas se faire autrement. Ça a engendré une race, la race juive. Et cette race porteuse d'intelligence a cohabité avec les autres peuples de notre planète. Cohabitant avec les autres peuples de notre planète, leur vibration a nourri les peuples de notre planète. Ce n'était pas juif à l'époque, mais c'est ce qui va donner l'ascendance juive. Par la suite, cette race va devenir atlantéenne. Par la suite, elle va former la première sous-race de la race blanche, la race qui sera adamienne. Pas adamienne, mais arimanienne, dans la première sous-race de cette race, qui va devenir la race qui va engendrer tous les peuples ariens. Et par la suite, on va voir apparaître à travers cela toujours une espèce de gitanisme. C'est le peuple juif qui est une espèce de peuple justement gitan qui a toujours été en cheminement. Il vit au contact des peuples et les peuples les refroidissaient en se réchauffant à leur contact, que ceux-là étaient toujours à s'en aller. Comme ils avaient l'intelligence, ils ne travaillaient pas. Un être intelligent fait travailler le cheval. Le juif faisait travailler le paysan. C'est logique. C'est d'ailleurs sous ce thème-là qu'Adolf Hitler a décidé de les haïssait. C'est un peuple voleur. C'est pas vrai. C'est un peuple d'intelligents. Mais partout où ils allaient, ils étaient tellement intelligents qu'on les rejetait. Et ce peuple-là, finalement, on parle de l'histoire de la Bible, on parle de l'histoire de la venue de l'intelligence sur le plan planétaire à travers un peuple qui finalement s'est identifié sous le peuple juif. Et qui par la suite a été déjuivisé. Et on est maintenant un peuple catholique du point de vue de la Bible. Avec toujours encore l'ordre juif et on a aussi les protestants et le phénomène catholique relié à Saint-Pierre de Rome. La Bible, c'est écrit par des êtres humains, mais la Bible est écrite par de l'intelligence qui, au travers de l'être humain, a engendré des trames permettant d'expliquer immédiatement et prophétiquement pour l'avenir ce que l'humain avait et aura besoin de savoir tant qu'il sera assujetti à une évolution émotive. Lorsque l'être humain devient intelligent, il prend la Bible et dit « Ouais, mais c'est évident. Le savais-tu avant de le lire? » Oui, il n'a plus besoin de lire. Toutes les religions sont des techniques. Elles nous permettent de nous relier. Religion. Mais lorsqu'on devient religieux,